Kadour Naïmi, un mai libre et solidaire, la traversée de 68 par un jeune Algérien. Chapitre 6e, parler pour agir. Une nouvelle extraordinaire nous remplit de joie. Le 13 mai éclata, dans toute la France, une grève générale, suivie de manifestations où marchaient unis étudiants, enseignants et ouvriers. Le jour suivant, à Paris, étudiants et enseignants de la Sorbonne la proclamèrent commune libre et la faculté de Nanterre revendiqua son autonomie. Nous fûmes fiers, en toute modestie, d'avoir précédé ce genre d'initiative. Nous avions proclamé l'autonomie de notre université le 11 mai. L'essentiel était que les choses bougeaient non seulement dans les universités, mais parmi les ouvriers, et cela dans tout le pays, dans le bon sens. La tempête libératrice se levait. Heureux j'étais, si heureux, et mes compagnons de même. Nous avions l'impression de rêver les yeux ouverts. Enfin, le moment de l'action, de libération de toute l'énergie. Se reconnaître réciproquement, se réunir, exprimer nos idées, nos désirs, notre plan d'action, en discuter librement, tout le temps nécessaire, c'est-à-dire longuement, avec patience et passion, non toujours bien maîtrisée, jusqu'à la fatigue du corps et de l'esprit, parfois sans avoir épuisé tous les arguments. Nous avions tant à dire et à entendre depuis tellement longtemps. Et la jeunesse est pleine, déborde d'idées. Alors, surgissaient les comités divers pour programmer les multiples actions à accomplir, pour s'organiser efficacement, mais, et c'était fondamental, sans chef, sans autorité supérieure, sans maître à penser, mais de la manière la plus démocratique, la plus libre, horizontalement dans tous les sens du terme, y compris spatial. Cela signifiait pas d'orateur sur une estrade élevée, d'un côté et de l'autre, les auditeurs à un niveau plus bas, mais tous à même le sol, en cercle, comme le montre la photo, page 18, d'une assemblée à l'université de Strasbourg en mai 1968. Fondamentales étaient ces dispositions des corps. Elles manifestaient et symbolisaient l'un des principes essentiels du mouvement, l'égalité entre tous. D'abord physique, préliminaire à celle de participation au débat. Si une personne révélait une étoffe de dirigeant, elle était uniquement par la qualité de ses propositions libre aux membres de l'Assemblée d'en demander les clarifications nécessaires, de modifier, adopter ou rejeter les déclarations de l'orateur. Chacun était invité à formuler ses idées. On encourageait les timides à s'exprimer mais sans trop d'insistance pour ne pas les mettre mal à l'aise, pour éviter toute forme d'autoritarisme, même animé de bonne intention. Là était l'un des piliers, l'un des moteurs fondamentaux du mouvement, refus absolu, sans compromis, de toute forme d'autoritarisme, y compris et d'abord celui paternaliste prétendant, au nom de la détention d'un certain savoir, en imposer le contenu. Et pas de mots compliqués, de concepts trop savants, mais les termes et les expressions les plus simples, les plus concrets, les plus compréhensibles, les plus applicables, afin de réduire, si possible, éliminer toute distance, toute barrière entre spécialistes et citoyens étudiants ordinaires. Souvent, nous y parvenions, tant le désir et la volonté étaient puissantes. Nous nous retrouvions donc ensemble sur un même pied d'égalité, communiquant librement pour construire notre solidarité avec sincérité, chaleur, chacun selon ses capacités, tous pour un et un pour tous. L'Assemblée représentait l'un des moments les plus forts de la fusion collective, non pas de moutons soumis à un berger, mais de citoyens conscients d'agir au sein d'un mouvement commun pour un but unique, changer la vie en mieux pour chacun de nous, donc pour tous. Chapitre 7e. Étudier, encore étudier, toujours étudier, pour agir au mieux. Les actions et les discussions mettaient en évidence une carence chez la plupart, pour ne pas dire tous, notre manque de connaissances suffisantes sur la manière de changer les choses selon notre désir collectif. Multiples et urgentes étaient les questions à résoudre. Comment convaincre la majorité des étudiants, indifférents ou hésitants? Comment se lier aux travailleurs, manuels et intellectuels? Comment obtenir la solidarité active de la partie de population exploitée? Comment affronter efficacement les groupuscules conservateurs sur le terrain des idées? Comment ne pas être victime des actions violentes et terroristes des groupuscules fascistes? Comment mettre de notre côté les agents de police, ces enfants du peuple laborieux? En cas d'aggravation de la situation, Comment obtenir la solidarité des soldats commandés pour nous réprimer? D'autres questions exigeaient des solutions. Comment établir des relations correctes entre garçons et filles pour ne plus entendre ces dernières lancer avec raison « Hey, mâle révolutionnaire, qui vous lave les chaussettes ?» ni les entendre reprocher « Hey, cher amant, sais-tu que la femme a un orgasme pour jouir de l'amour avec toi ?» Vaste, total était donc le projet en vue. Toutes les questions semblaient importantes, liées l'une à l'autre. Tous et maintenant. Beaucoup se proposaient la concrétisation de ce programme. Quand certains suggéraient des actions prioritaires, conditionnant les autres, souvent les sifflets et la grogne les dissuadaient de continuer à parler. Toutes les tendances s'exprimaient, s'affrontaient pour emporter l'adhésion de la majorité. Marxistes-léninistes-maoïstes, trotskistes, socialistes de toutes nuances, catholiques sociaux, protestants, anarchistes, situationnistes, etc. Je défendais l'option autogestionnaire comme la plupart des simples étudiants. Il me fallait donc étudier pour savoir comment agir. En matière de formation, nous étions tous dans la même situation de carence, plus ou moins grave, y compris les meilleurs d'entre nous. Alors, dans le groupe que je fréquentais, une nuit sur deux, nous ne dormions pas. Chacun de nous consacrait le temps du repos à lire, dans la solitude de la chambre, à étudier avec le maximum d'attention et d'assiduité. Articles de journaux sur l'actualité, brochures à propos des problèmes d'organisation militante, essais sur la tactique et la stratégie révolutionnaire, livres sur l'histoire des révolutions dans le tiers-monde ou dans les métropoles. D'autres nuits étaient dédiées à des réunions pour discuter sur ce que nous avions lu, s'aider les uns les autres à comprendre ce qui n'était pas clair ou pas convaincant. Un camarade nous étonna fortement. Il étudiait l'histoire en troisième année de licence. Nous admirions son visage d'anarchiste russe des années pré-révolutionnaires. Pour cela, en hommage à Michel Bakounine, on le surnomma affectueusement Bakou. Le front haut et dégarni de cheveux, à moitié chauve, les yeux brillants d'intelligence, le comportement modeste, la voix douce mais ferme. Sa capacité de lecture et la rapidité de celle-ci dépassaient largement celle de nous tous. Une nuit lui suffisait pour lire un essai de 200 à 300 pages. Le lendemain, à la réunion, il nous en présentait un résumé détaillé et un commentaire. Sur les pages manuscrites, tenues dans ses mains délicates, je remarquais le style d'écriture, fine, hâtive, nerveuse, très serrée, remplissant abondamment la page. De son regard émanait une sorte de fièvre contenue, celle d'apprendre et de communiquer son acquis. Cependant, il parlait juste le nécessaire, d'un ton égal, avec une simplicité absolue, sans aucune affectation, sans jamais nous faire sentir, en aucune manière, sa nette supériorité intellectuelle par rapport à nous. Il me faisait penser à une splendide fleur offrant naturellement son parfum. Quel merveilleux spécimen de camarade, d'être humain. Parfois, le cerveau exténué par l'effort intellectuel, on jouissait du reste du temps à boire. Bière, vin, en particulier rhum et cigares cubains, pour le goût et pour encourager à l'économie cubaine. Certains d'entre nous accompagnaient ce plaisir par celui de jouer aux échecs ou au go afin d'exercer l'esprit à la lutte de manière intelligente contre l'adversaire. À cette occasion, j'appris le deuxième jeu cité, une sorte de jeu d'échecs asiatique. On affirmait qu'il avait inspiré Mao Tse-tung dans l'établissement de sa tactique et stratégie de combat révolutionnaire. L'essentiel de ce jeu consiste à encercler les éléments de l'adversaire, puis de les éliminer l'un après l'autre. Contrairement au jeu d'échecs classique, aucune hiérarchie. Pas de roi, de reine, de fou et de simples soldats, mais uniquement des pions identiques. Les deux camps adversaires se distinguaient par les deux couleurs blanche et noire. Cette procédure reflétait deux visions de l'époque. D'une part, Mao Tse-tung avait indiqué la stratégie pour la révolution mondiale. Les campagnes, les peuples dominés du tiers-monde, devaient encercler les villes, les pays développés. Par suite, ces dernières rejoindraient le mouvement révolutionnaire, notamment parce que les nations développées ne disposeraient plus des matières premières volées à la périphérie du monde et permettant leur domination capitaliste. D'autre part, Che Guevara avait initié le combat en Amérique latine. Malgré sa mort, dans plusieurs autres nations de la région ainsi qu'en Afrique et en Asie, des turbulences révolutionnaires bouillonnaient. « Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine », avait écrit Mao. Il l'avait prouvé avec la glorieuse épopée du peuple chinois culminant dans la fameuse longue marche contre le féodalisme interne soutenu par l'impérialisme externe. C'est dire combien le jeu de nos intéressait quelques-uns d'entre nous, j'en faisais partie. Un mot sur la manière de se procurer les livres. Mes moyens financiers étaient extrêmement limités. À part le salaire gagné durant 2 mois environ dans l'entreprise de bière Kronenbourg, mon argent provenait uniquement de mon travail au restaurant universitaire. Cet emploi avait l'avantage de me procurer de quoi manger gratuitement. Aussi, l'achat d'ouvrages à lire me posait problème. Curieusement, la pratique de se prêter réciproquement des livres était rare. Livres prêtés, livres perdus, justifiait cette limite. Je la comprenais. Mon ami Nigro, lui, mettait volontiers à ma disposition sa riche bibliothèque marxiste-léniniste. Les œuvres de Mao m'étaient fournies gratuitement par le groupe qu'il recevait d'un organisme lié à l'ambassade chinoise. J'achetais quelques autres livres à la librairie du Parti communiste. Leur prix était abordable. Restait à me procurer encore d'autres. Ils se vendaient dans des librairies à des prix au-delà de mes possibilités économiques. Alors je procédais, comme d'autres camarades, à l'expropriation. Je les volais, et j'en ai tant pris quelquefois 4 ou 5 à la fois, tout en ayant affreusement peur d'être pris. Heureusement, cela n'arriva jamais. Parfois, je menais l'opération avec la complicité d'un camarade qui surveillait l'environnement. Ensuite, je lui rendais le même service. Notre justification de cet acte était simple. La connaissance n'est pas une marchandise servant au profit financier. Elle doit être gratuite. En plus, les librairies capitalistes tiennent compte, dans l'établissement du prix du livre, du pourcentage de vol. Par conséquent, ma conscience et celle de mes camarades étaient tout à fait à l'aise. Je connus aussi un jeune. Ce n'était pas un étudiant. Il proposait de nous fournir n'importe quel livre, de n'importe quelle valeur et grosseur, à moitié de son prix de vente. Il suffisait de lui indiquer l'endroit où il se vendait. Contrairement à d'autres camarades, je n'eus pas besoin de ses services. Les nuits consacrées à s'instruire ou à se divertir, conformément à notre idéal, ont été les plus belles de ma vie. Je ne crois pas me tromper en déclarant qu'il en fut de même pour mes camarades. Cependant, de temps à autre, le corps reprenait ses exigences. Elle nous contraignait, la nuit, à rester au lit pour l'indispensable repos biologique. Le motif de cette retraite tactique n'était pas seulement l'énergie dépensée pour l'étude et le plaisir, mais également les activités de la journée, organisation puis participation aux réunions restreintes, aux assemblées générales, rédaction de tracts destinés respectivement aux étudiants, aux ouvriers des usines, à la population, etc., puis imprimer des tracts à la Ronéo, enfin distribution de ces mêmes documents, toujours accompagnés de discussions avec les gens rencontrés. Bien entendu, nos études universitaires étaient interrompues. Nous avions mieux qu'assurer notre avenir professionnel, construire notre vie individuelle au sein d'une communauté juste et libre.